6h56, la chronique Blockbuster avec un B comme Belmondo. Et oui, Frédéric Sigrist, vous voulez encore rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Eh ben oui Mathilde, parce que moi j'aime bien ça, les hommages. Les hommages, c'est les seuls moments où des gens viennent à une matinale radio dire du bien de quelqu'un. À l'annonce du décès de Jean-Paul Belmondo, pendant une journée, on n'a pas entendu parler d'attentats, de Covid ou d'Éric Zemmour. De manière générale, je préfère qu'on me parle du magnifique que du lamentable. Ça fait plus d'un an que vous parlez du Covid, Mathilde. Je suis certain qu'à bout de souffle, vous préférez que ça soit un film plutôt qu'un symptôme. Ah bah oui. Eh ben voilà. Donc moi, le rôle de Jean-Paul Belmondo qui m'a le plus marqué, c'est évidemment celui-ci. Venu de nulle part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Vous avez reconnu le générique culte de Cobra, le dessin animé de notre enfance, Mathilde. Enfin, de notre enfance à tous les deux, car rappelons qu'Anthony Bélanger, lui, n'a que 22 ans. Mais hein, il fait plus vieux, mais c'est juste qu'il n'est pas du matin. Dessin animé qui passait dans Récréa 2 sur Antenne 2, l'émission présentée par Dorothée, la Nagui des programmes pour enfants. Un générique composé par Jacques Revaux, le même Jacques Revaux qui a composé, comme d'habitude, pour Claude François et La Maladie d'amour pour celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Je me méfie maintenant parce que j'ai peur d'invoquer Thomas Croisière. Et les paroles de cette chanson ont été écrites par un dénommé Paul Persavon, un homme qui n'a jamais eu besoin de blanchir son nom. Haha, humour du matin. Un homme à qui l'on doit également le générique d'Ixor et Lady Oscar, et qui est un de nos collègues ici à France Inter, car il présente l'émission Pop Pop Pop aux côtés de Charline Roux sous un nom d'emprunt, sûrement un certain Antoine de Caunes. Il a écrit les paroles de Cobra et de Lady Oscar. Ixor également, et Lucky Luke. Oh là là. Cobra était l'adaptation en animé d'un manga de Boichi Terazawa qui vouait un tel culte à Jean-Paul Belmondo qu'il a décidé de lui donner son visage, mais aussi certains traits de sa personnalité tels qu'ils apparaissaient dans ses films. Cobra était pirate de l'espace, dragueur, invétéré, fumeur de cigares et beau parleur. Autant dire que plus personne n'écrirait ainsi un personnage de dessin animé pour enfants. À moins que tu veuilles faire de l'enfant le nouvel Harvey Weinstein, ça passerait plus du tout. Même à l'époque, Cobra dénote parmi les héros de manga, car c'est une époque où les héros de dessins animés japonais avaient habituellement le physique de Pierre Niney enfant. Voilà, les héros de manga, ils font tous taille 34, ils sont très très fins. Moi, la seule photo où j'ai eu le corps d'un héros de manga, c'était mon échographie. Cobra avait un canon à la place du bras, le Psycho Gun, ce qui semble extrêmement cool quand t'as 7 ans, beaucoup moins quand t'en as 40, parce que tu peux le battre très facilement, Cobra. Hein. Tu lui achètes une chemise à boutons ou des chaussures à lacets, il est foutu, en fait. Hein. Toutes les femmes de ce dessin animé étaient splendides et sexy à souhait. Buichi Terazawa a dit s'être inspiré de Catherine Deneuve et Dominique Sanda pour les dessiner, et même Armanoïde, l'androïde féminine qui accompagnait Cobra, était sexy. Petit garçon, j'étais très troublé par ce que je ressentais en regardant cette machine. La dernière machine à m'avoir fait cet effet, c'était des toilettes japonaises le jour où j'ai découvert à quoi servaient les boutons avec différents coquillages. Bref, mais j'en dis trop. Cobra n'est pas le seul personnage qu'a inspiré Jean-Paul Belmondo. En 1969, le père du manga Osamu Tezuka donne son visage au héros du film d'animation Les Mille et Une Nuits. En 63, Jean Giraud, Mobius, avait déjà fait de même avec son cow-boy Blueberry. L'homme de Rio, de Philippe de Broca, servira d'inspiration à Steven Spielberg et George Lucas quand ils créeront Indiana Jones et les aventures de l'âge perdu. Je pourrais aussi ce matin vous dire à quel point Bebel a été une influence majeure dans la carrière de Jackie Chan. Aujourd'hui, on applaudit quand Omar Sy ou Marion Cotillard font une carrière internationale. Belmondo était tellement charismatique, Mathilde, qu'il a inspiré le monde entier sans bouger de chez lui. Et ça, c'est la grande classe. Merci beaucoup, Frédéric Sigrist. France Inter.